Et il parla avec fièvre, se passionnant, disant sa vie dévorée d'ambition, à Marseille, expliqua la rage de ses 2 mois de démarche inutile dans Paris. Puis, il montra son dédain de ce qu'il nommait les conventions sociales, ou patauge le commun des hommes. Qu'importait le jugement de la foule quand on posait le pied sur elle? Il s'agissait d'être supérieur. La toute-puissance excusait tout. Et à grands traits, il peignit la vie souveraine qui saurait se faire. Il n'y craignait plus aucun obstacle. Rien ne prévalait contre la force. Il serait fort. Il serait heureux. « Ne me croyez pas platement intéressé, ajouta-t-il. Je ne me vends pas pour votre fortune. Je ne prends votre argent que comme un moyen de monter très haut. Oh, si vous saviez tout ce qui gronde en moi, si vous saviez les nuits ardentes que j'ai passées à refaire toujours le même rêve, sans cesse emporté par la réalité du lendemain, vous me comprendriez. Vous seriez peut-être fier de vous appuyer à mon bras en vous disant que vous me fournissez enfin les moyens d'être quelqu'un. » Elle écoutait, toute droite. Pas un trait de son visage ne remuait. Et lui se posait une question qu'il retournait depuis 3 jours sans pouvoir trouver la réponse. L'avait-elle remarqué à sa fenêtre pour avoir accepté si vite le projet de Mademoiselle Chuin lorsqu'elle l'avait nommé? Il lui vint la pensée singulière qu'elle se serait peut-être mise à l'aimer d'un amour romanesque s'il avait refusé avec indignation le marché que la gouvernante était venue lui offrir. Il se tut et Flavie resta glacée. Puis, comme s'il ne lui avait pas fait sa confession, elle répéta sèchement « Ainsi, mon mari de nom seulement, nos vies complètement distinctes, une liberté absolue. » Dantas reprit aussitôt son air cérémonieux, sa voix brève d'homme qui discute un traité. « C'est signé, madame. » Et il se retira, mécontent de lui. Comment avait-il pu céder à l'envie bête de convaincre cette femme? Elle était très belle. Il valait mieux qu'il n'y eut rien de commun entre eux, car elle pouvait le gêner dans la vie.